Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les attendra pas le jour pendant qu'ils s'amusent ?